Chapitre 24e. Mieux informé, André eut su qu'on n'arrive pas comme un boulet jusqu'à l'illustre Van Kloppen. Retranché dans le sanctuaire de ses inspirations et de ses oracles, ce redoutable tyran de la mode s'entoure de plus de gardes, de défiance et de précautions qu'un despote d'Asie au fond de son harem. Les femmes, ses clientes, réussissent parfois à éviter l'inévitable station du salon d'attente, les hommes, jamais. Comment savoir si l'homme qui se présente n'est pas un mari furieux? Qu'adviendrait-il, bon Dieu, sans cette consigne de fer? Monsieur, avare et jaloux, pourrait donc venir surprendre madame en train de choisir et de commander la robe qu'elle compte lui faire payer malgré lui, grâce aux vertus de l'anse du panier. Les femmes, pauvres anges, seraient chez les couturiers des dames sur un éternel qui-vive. Ce serait là de la clientèle. C'est pourquoi, dès le vestibule, André et le jeune monsieur Gaston, qui arrivaient très essoufflés, furent arrêtés par les immenses laquais dont la livrée reluisante d'or est comme l'enseigne de la prospérité de la maison. « Monsieur Van Kloppen n'est pas visible, » déclarèrent-ils. « L'affaire est importante, cependant, » insista André. « Elle est urgente. Monsieur travaille. » Prières, menaces, tentatives de corruption, un billet de 100 francs même, adroitement offert, furent inutiles. André se sentait pris d'une démangeaison folle, de jeter de côté ses drôles dont la politesse souriante lui semblait injurieuse, et de passer outre. Mais il en était déjà à se repentir d'avoir manqué de prudence et de patience chez le sieur Verminet. Il se résigna donc, non sans effort, et à la suite du jeune monsieur de Gondelu, il entra dans ce fameux salon que Van Kloppen appelle son purgatoire. L'aspect de l'endroit l'étonna. À tout autre moment, il eût été pris de fou rire, en considérant les portraits de robes accrochés au mur, mais il était sous le coup de la plus vive contrariété. Pendant que nous allons croquer le marmot ici, le directeur de la société d'escompte mutuelle aura le temps de prévenir ce gredin de couturier et nous ne saurons rien. Cependant, les laquais avaient dit vrai, et c'est à peine si 5 ou 6 clientes soupiraient dans le purgatoire après le bon plaisir de l'arbitre des élégances. Toutes, à l'entrée des 2 jeunes gens, se détournèrent, dévisageant ces téméraires. Toutes, à l'exception d'une, pourtant, qui, assise dans l'embrasure d'une fenêtre, regardait dans la rue en tambourinant sur les vitres du bout des ongles. Cette indifférente, précisément, attira l'attention d'André, et à sa profonde stupeur, il reconnut madame de Boisdardon. « Quoi ? » se dit-il. « La vicomtesse chez cet ignoble couturier, après son horrible offense de l'autre jour ? Allons, monsieur de Breuil se trompait quand il me disait « Celle-là est folle, mais elle a du cœur, et elle nous sera une auxiliaire dévouée. » Le jeune monsieur Gaston, pendant ce temps, se tournait et se retournait sur sa chaise. Il sentait 5 paires d'yeux braqués sur lui. Et il cherchait une pose avantageuse. Après s'être étonné, André s'indignait. « J'en aurai le cœur net, » pensa-t-il. « Je veux lui faire honte. » Il saisit cette idée au bon, et sans souci des personnes présentes, sans réfléchir qu'il pouvait compromettre atrocement la jeune femme, il traversa le salon et alla s'incliner devant elle. Mais elle prêtait une telle attention à ce qui se passait dans la rue qu'elle ne s'aperçut pas qu'il était là et qu'il fut obligé de parler. « Madame la vicomtesse ?» Elle se retourna vivement et apercevant André ne put retenir un petit cri. « Ah, vous !»« Oui, moi, ici. » Le regard dont il souligna ces 3 mots était trop expressif pour que madame de Boisdardon ne comprît pas tout ce qui se passait en lui. Son cou et son visage, jusqu'à la racine des cheveux, se couvrirent de rougeur et elle se leva pour répondre plus aisément à André sans être entendue. « Ma présence vous paraît inouïe, » fit-elle, « et vous jugez que j'ai peu de mémoire et peu d'orgueil ?» André ne répondit pas, c'était répondre. « Eh bien, » reprit la vicomtesse avec un regard de reproche, « vous me calomniez. Si je suis venu, c'est que j'ai vu de Breuil ce matin, et il m'a dit que dans l'intérêt de vos projets, je devais pardonner Van Kloppen et rester avec lui au mieux. Vous voyez, monsieur André, il ne faut jamais juger sur les apparences, surtout une femme. » Ce fut au tour du jeune artiste à devenir cramoisi. Il était vraiment malheureux de son injustice. Ses yeux exprimaient le repentir et la plus ardente reconnaissance. Il joignit les mains et d'un ton suppliant, « Me pardonnerez-vous, madame » commença-t-il. D'un petit geste rapide qu'il fut seul à voir, madame de Boisdardon l'interrompit. « Prenez garde, » disait ce geste, « nous ne sommes pas seuls, on nous regarde. » Et en même temps, elle se retournait vers la rue, en lui faisant signe de l'imiter, afin de dérober au moins leur visage à l'observation. Le fait est que cette conversation, dont personne n'entendait mot, intriguait fort le salon. Deux dames surtout, l'une bien compromise et l'autre totalement perdue de réputation, en furent vivement choquées et se penchèrent l'une vers l'autre pour se communiquer leur opinion sur ce qu'elles jugeaient charitablement un rendez-vous scandaleux. Pour le jeune monsieur Gaston, il crevait de dépit et de jalousie. Personne ne le remarquait. « Elle est mauvaise, » marmottait-il. « A-t-on jamais vu cet artiste qui me la faisait à la vertu? Ça ne prend pas. C'est qu'elle est jolie, la petite. » Entre André et Madame de Boisdardon, la conversation continuait. De Breul, poursuivait la vicomtesse, a déjà recueilli sur le compte de Monsieur de Croisenois 100 fois plus de bruit fâcheux qu'il n'en faudrait pour décider un père à lui refuser sa fille. Cela ne suffit pas, puisque Mussidan a le couteau sur la gorge. Ce qu'il faut, c'est dénicher dans le passé de ce Croisenois quelque grosse infamie qui le force à se retirer. « Je le trouverai, » fit André les dents serrées, « j'en ai la certitude. » Franchement, mon pauvre monsieur, il faudrait vous hâter. Selon nos conventions, je suis charmante pour lui, il me croit sa toute dévouée, et même il me fait un peu la cour. Demain, je le présente à l'hôtel de Mussidan, c'est convenu avec le comte et la comtesse. À grand-peine, le jeune peintre maîtrisa un mouvement de rage. J'ai bien compris, en les voyant, reprit Madame de Boisdardon, qu'il y a quelque chose et que vous aviez deviné juste. D'abord, Mussidan et sa femme, qui vivaient fort mal ensemble, se sont tout à coup rapprochés. On dirait qu'ils se serrent l'un contre l'autre pour mieux résister au danger. Puis, leur contenance, leur mouvement, tout en eux trahit l'inquiétude, la contrainte, le désespoir. C'est avec attendrissement, avec une sorte de reconnaissance douloureuse qu'ils regardent leur fille. J'ai deviné qu'ils attendent d'elle le salut et qu'ils l'admirent de les sauver. « Et elle ?» murmura André et elle. « Sabine, monsieur André, est sublime. Oui, sublime. » Pour qui comme moi sait la vérité. Résolue au sacrifice, elle l'a accepté, plein, entier, sans restriction, sans murmure. Son dévouement est grand, mais ce qui est admirable, c'est qu'elle s'est dissimulée à ses parents l'étendue et l'horreur de son sacrifice. Noble fille, elle est calme et grave comme avant, mais non davantage. Je l'ai trouvée maigrie et un peu pâlie. Son front, quand je l'ai embrassée, m'a brûlé les lèvres comme un fer rouge. Hormis cela, rien ne trahit ces intolérables souffrances. C'est à douter. Mais Modeste m'a parlé. C'est un rôle qu'elle joue, un rôle où elle agonise. Elle mourra en souriant à ceux dont elle sauve l'honneur. De grosses larmes roulaient lentes et silencieuses sur les joues d'André. « Mon Dieu, murmura-t-il, comment mériter une telle femme ?» Mais une porte s'ouvrait, et au bruit qu'elle fit, André et Madame de Boisdardon s'interrompirent et se retournèrent vivement. L'illustre Van Kloppen apparaissait. Selon sa coutume, après chaque consultation, il venait crier dans son purgatoire « À qui le tour ?» Mais à la vue du jeune monsieur Gaston, sa physionomie changea, et c'est le sourire le plus engageant aux lèvres qu'il fit passer les deux jeunes gens, écartant d'un geste impérieux la patiente dont c'était le tour et qui protestait contre le passe-droit. « Sans doute, » dit-il d'un ton bonhomme à monsieur Gandelufis, « Vous venez me commander quelques surprises pour la délicieuse aura de Chantemy ?» Affreuse ironie, l'intelligent jeune homme poussa un soupir à fendre l'âme. « Pas pour le moment, » répondit-il, « Zora est un peu souffrante. » Mais André, qui avait arrangé la petite histoire à conter au couturier des reines, était trop pressé pour laisser consumer le temps en parlages inutiles. « Nous venons, monsieur, » interrompit-il, « pour une affaire plus sérieuse. » « Mon ami, M. Gaston, va quitter Paris pour plusieurs mois, et il désire, avant de s'éloigner, retirer sa signature de la circulation. Il y tient d'autant plus que son père serait fort mécontent s'il apprenait qu'il a souscrit des billets. Je conçois cela. Eh bien, monsieur, vous pouvez lui être fort utile. » Le jeune et intelligent Gaston se vit sauvé. « Alors, mon cher Kloppen, dit-il, remettez-nous les valeurs que vous avez signées de moi. » L'illustre couturier hocha la tête. « Je les ai eus, oui, je me rappelle très bien. 5 billets de 1000 francs chacun. Valeur en compte. Signé Gandelu, endossé Martin Rigal. Je les tenais de la Société d'escompte mutuelle. J'en ai disposé. »« Pas de veine, » murmura Gaston affreusement déconcerté. « Oui, je les ai envoyés en règlement à mes fournisseurs de Saint-Étienne-Rollon, Vrac et compagnie. » Le sieur Van Kloppen est peut-être un coquin habile, mais il est né à Rotterdam. La finesse de détail lui manque. Bien plus, en dehors de son extraordinaire impudence professionnelle, il se trouble aisément. Et la preuve, c'est que, gêné par le regard d'André obstinément attaché sur lui, il ajouta « Si vous ne me croyez pas, je puis vous montrer l'honoré de ces messieurs m'accusant réception. »« Inutile, monsieur, » prononça André, « inutile. » Du moment que vous nous donnez votre parole d'honneur, certes, je vous la donne, et la grande, et la vraie, mais n'importe, laissez-moi chercher la preuve de ce paquet de lettres. Le couturier des reines semblait chercher avec une sorte de rage. Oh, assez, monsieur, fit André sans la moindre ironie, car il tenait à paraître dupe. Ne prenez pas tant de peine, les billets sont à Saint-Étienne, c'est un petit malheur. Nous attendrons l'échéance. Monsieur Gondelu ne déshéritera pas son fils pour cela. J'ai l'honneur de vous saluer. Et comme il sentait bouillonner son sang dans ses veines, comme il craignait de ne pas rester parfaitement maître de soi, André sortit, entraînant le jeune Gaston, lequel voulait absolument consulter Van Kloppen sur la tenue qu'il serait très chic de donner à Zora quand elle sortirait de Saint-Lazare. Lorsqu'ils furent dans la rue, à une vingtaine de pas de la maison du tailleur pour dames, André s'arrêta et, tirant son calepin, y écrivit à tout hasard l'adresse des fabricants de Van Kloppen, messieurs Roland, Vrac et compagnie. Quand il eut fini, « Eh bien, demanda-t-il à son compagnon, que pensez-vous de votre couturier ?» Monsieur Gondelu, fils, était absolument rassuré. « Je pense, mon cher bon, répondit-il, que Van Kloppen n'est pas bête. Il me connaît. S'il avait fait sa tête, je lui perdais sa clientèle. Et raide. Je suis bon garçon, comme dit Philippe de chez Bachette, mais je n'aime pas les scies. Ah, mais non !»« Alors, où croyez-vous vos billets ?» À Saint-Étienne, parbleu. L'obstinée confiance du jeune monsieur Gaston arracha à André un geste de commisération et d'impatience. Cette naïveté idiote, chez un garçon gâté jusqu'au moelle par toutes les corruptions parisiennes, lui paraissait inexplicable. « Voyons, » fit-il en consultant sa montre, « il est 3 heures, si pressé que je sois, j'ai un quart d'heure à vous donner. » Ils arrivaient au boulevard des Italiens. Ils tournèrent à droite, remontant vers la rue de Richelieu. « Écoutez-moi donc, » reprit André, « et tâchez, s'il se peut, de vous bien pénétrer de l'affreuse gravité de votre situation. J'écoute, mon cher bon, allez-y gaiement. » Il est entendu, n'est-ce pas, que Van Kloppen vous a refusé crédit, et c'est pour le payer que vous vous êtes adressé au sieur Verminet, naturellement. Rien de mieux, en effet. Mais comment expliquez-vous que ce même homme, qui le lundi vous jugeait trop insolvable pour vous ouvrir un compte, soit allé le mardi choisir précisément les billets créés par vous à son intention pour les envoyer à ses fabricants? L'objection était si forte, elle résumait si clairement la situation, que M. Gondelu fils en fut saisi. C'était une lueur soudaine qui éclairait le brouillard de sa cervelle. « Christi !» murmura-t-il, évidemment inquiet. « Je n'avais pas réfléchi à cela. Elle est drôle ?» Voudrait-on me monter un coup? Je me le demande. Mais lequel? Il est à croire, cher monsieur, que Verminet et Van Kloppen ont le projet de vous faire chanter. Ce mot sonna mal à l'oreille de l'intelligent jeune homme. Me faire chanter, moi? Déclara-t-il. Ah, mais non! Je la connais, celle-là. Ce n'est pas ce petit-là qu'on fait chanter. André haussa les épaules. Alors, faites-moi le plaisir de chercher ce que vous répondrez à Verminet, si le jour de l'échéance il vient vous dire « Donnez-moi 100 000 francs de ces 5 petits papiers où je les porte à votre père. » Je dirais « Ah, je la trouve mauvaise, je dirais. » « Vous ne direz rien. Vous reconnaîtrez qu'on a abusé de votre simplicité, vous conjurez Verminet d'attendre, et il attendra si vous lui signez pour 100 000 francs de lettres de change payables à votre majorité. » Qu'on se fût joué de lui, voilà ce que ne put digérer le jeune monsieur Gaston. « 100 000 claques, interrompit-il, voilà tout ce qu'aura Verminet. » Ah, je suis comme cela, moi, sur mes nerfs, je mets les pieds dans le plat. Payez ce farceur, il s'en ferait mourir. Je sais bien que papa la trouvera mauvaise, et que si je lui tombais sous la main dans le premier moment, il y aurait de la casse. Mais zut, je jouerais les filles de l'air. Il était transporté d'indignation. Mais, emporté par la force de l'habitude, il ne trouvait au service de sa colère d'autres expressions que ces locutions idiotes dont composent leur vocabulaire ces spirituels jeunes messieurs à veston court qui sont les délices du boulevard. « Je crois, reprit André, que votre père vous pardonnerait cette imprudence plus difficilement encore que l'infamie de lui envoyer un médecin compter combien d'heures lui restait à vivre. Il vous pardonnerait pourtant, il est votre père, il vous aime. Parbleu, à Chaillot, Verminet, « Non, monsieur, non. Si vous n'avez pas peur de votre père, il vous menacera d'une autre personne, il vous menacera du procureur impérial. » Du coup, l'intéressant jeune homme s'arrêta brusquement. « Oh, fit-il, pour une plaisanterie ?»« Oui, mais le malheur est que cette plaisanterie s'appelle un faux, en bon français, et un faux, quand il est dénoncé, c'est la cour d'assises d'abord, puis le bagne. » Le jeune monsieur Gaston était devenu affreusement pâle. Il regardait André d'un air fou, la pupille dilatée par l'effroi, plus tremblant que la feuille fléchissant sur ses jarrets. « Le bagne » bégaya-t-il. « Non, il n'en faut pas. Anatole dit qu'on n'en meurt pas, et qu'on y est même très bien avec des protections. Mais c'est égal. Je n'en suis plus, je passe la main. » Il parut réfléchir et avec une certaine violence reprit. « Mais je suis buté, je ne chanterai pas. Si on me dénonce, je fais comme Cartex. Ah, elle est bien bonne. J'invite tous mes amis à un grand dîner, et au café blanc, dans l'œil, je me tiens un coup de pistolet. Les autres feront une drôle de tête. Hein, qu'elle réclame pour Brébant ? Toutes les dames, après, tourmenteront Philippe pour qu'il les fasse dîner dans le cabinet où la chose se sera passée. Voilà comme je suis, moi. Et dans ma poche, on trouvera une lettre très spirituelle qu'on mettra dans tous les journaux. » Il oubliait qu'il était sur le boulevard. Il criait de toute la puissance de son fausset. Il gesticulait, et déjà quelques passants s'arrêtaient, espérant une dispute. André passa son bras sous le sien et l'entraîna. Mais Gaston avait été remué jusqu'au fond de lui-même, et toutes les cordes de son âme, muettes jusqu'alors, vibraient. « Dis-lui, poursuivait-il, que le rusé vieillard en meurt. Pauvre père, je l'ai durement scié tout de même. Moi, qui avec rien le rendais si heureux. Quand je restais à dîner avec lui, il mettait les petits plats dans les grands. Ah, si c'était à recommencer. Mais quoi ? Le jeu est fait, rien ne va plus. À mon âge, je la trouve mauvaise. Avoir 20 ans, le sac, le truc, du chic, être adoré de Zora, éteindre son gaz, elle n'est pas drôle. Mais la cour d'assises, non, j'aime mieux le pistolet. Je suis le fils d'un honnête homme. » À son tour, André s'arrêta, examinant son compagnon avec la stupéfaction d'un vivisecteur qui entendait parler une bête qu'il galvanise. Le dégoût que lui avait inspiré Gaston diminua. Il lui sut gré de son énergie, si grotesquement qu'elle fût exprimée. « Vrai ? Vous ne feriez pas ce que vous dites ? » interrogea-t-il. « Parbleu, je suis cascadeur si on veut, mais sérieux dans les grandes occasions. Ce sera dur, mais voilà ce que c'est. C'est bien fait. Il fallait pas y aller. » Véritablement, la résolution éclatait dans ses yeux. « J'approuve votre énergie, mon cher Gaston, » reprit André. « Mais ne désespérons pas. Je crois, oui, je crois bien que je réussirai à arranger notre malheureuse affaire. Seulement, soyez prudent, tenez-vous quoi. Et n'oubliez pas que d'un instant à l'autre, je puis avoir besoin de vous. » « C'est entendu. Mais dites donc, cher bon, il ne faudra pas lâcher Zora, elle sera mauvaise. Soyez tranquille, je vous verrai demain. Et pour aujourd'hui, adieu, je n'ai plus une minute à perdre. » Et sur ces mots, laissant M. Gaston encore tout ahuri, il s'éloigna en courant. S'il était pressé, c'est qu'il avait entendu Verminet dire à Croisenois « J'irai chez Mascaro à 4 heures » et qu'il avait formé le projet de l'attendre à sa sortie et de suivre le directeur de la société d'escompte mutuelle. Par lui, il espérait arriver jusqu'à Mascaro, qui, dans sa pensée, ne pouvait être qu'un complice. Il longea la rue de Gramont comme une flèche, et la demie de 3 heures sonnait à l'horloge de la Bibliothèque nationale quand il arriva rue Sainte-Anne. Plus rassuré, il respira, et c'est alors que les tiraillements de son estomac lui rappelèrent qu'il n'avait pas déjeuné. Il regarda autour de lui. Juste en face de la société d'escompte mutuel était la boutique d'un marchand de vin. André y entra bravement, et du ton d'un habitué demanda 2 sous de pain, une portion de jambon et une chopine, qu'il payait d'avance pour que rien ne le retardât quand il lui faudrait sortir. Puis, debout devant le vitrage, il se mit à manger tout en observant. Il n'était pas sans inquiétude. Verminet avait dit aussi qu'il devait aller à la bourse. Rentrerait-il chez lui avant sa visite chez Mascaro ? Tout était là. Si oui, André était sûr de réussir. Sinon, il en serait pour une bonne heure de guet. C'était oui. Il venait d'achever son pain et son jambon lorsqu'il aperçut Verminet sortant de son allée. D'un trait, il avala sa chopine et s'élança dehors.